hommages arrachés à Alexandre Solzhenitsyne. Extrait choisi par Grégoire Loupoukine, lu par Aurélien Recoin. Deuxième partie, la maison de Matryona. Parmi les rares œuvres de Solzhenitsyne qui n'ont pas été censurées en Union soviétique et qui ont été publiées en russe du vivant de l'auteur, une nouvelle d'abord intitulée « Le juste sans lequel il n'est de village qui tienne », écrite en 1959, est parue en 1963 sous le titre « La maison de Matryona ». Ignatitch vient d'être libéré après 10 années d'internement dans les camps soviétiques. Il n'aspire qu'à une chose, la tranquillité et la fraîcheur. Il accepte alors un poste de professeur de mathématiques dans un petit village, isolé dans la campagne profonde du pays. La poétesse Anna Akhmatova écrivait à propos de la maison de Matryona « C'est plus terrible qu'une journée d'Ivan Denisovitch, parce que ce n'est pas seulement Matryona, mais toute la campagne russe qui passe sous la locomotive et se retrouve en 1000 morceaux. » Extrait. Été 1953. Je revenais d'un désert brûlant et poussiéreux. Je revenais en Russie. On ne m'attendait nulle part. Je m'étais attardé une petite dizaine d'années, alors. Ce que je voulais, c'était simplement les régions du centre. Pas de chaleur, juste le feuillage mugissant des forêts. Je voulais m'enfoncer et me perdre dans les entrailles mêmes de la Russie. De ce côté-ci de l'Oural, un an plus tôt, on ne m'aurait embauché que pour porter des charges. On ne m'aurait pas pris sur un chantier, même comme électricien. Or moi, ce qui m'attirait, c'était l'enseignement. Pardon, est-ce que vous n'auriez pas besoin de professeur de mathématiques quelque part, loin du chemin de fer? Ce serait pour m'y établir définitivement. Il finit par y avoir des allées et venues de bureau en bureau, des coups de téléphone, des grincements de plumes, et on tapa dans mon arrêté de nomination « Torf Produkt ». Torf Produkt. Diable. Tourguenieff ne se doutait pas qu'on pouvait fabriquer des noms comme celui-là en russe. À la gare de Torf Produkt, un baraquement provisoire et décrépit, en bois gris, et dessus cet avis formel. Ne montez dans le train que du côté de la gare. Quelqu'un avait ajouté ces mots tracés avec un clou et sans billet. Et on voyait près de la caisse cette inscription gravée pour de bon au canif avec le même humour morose. Il n'y a pas de billet. Ce n'est que plus tard que je fus en mesure d'apprécier le sens de ces ajouts. Il était facile d'arriver à Torf Produkt, mais non d'en repartir. La cité avait poussé comme elle avait pu entre les tourbières. Une cheminée d'usine fumait au-dessus. Un chemin de fer à voie étroite la parcourait, de ci, de là, et de petites locomotives, crachant elles aussi une fumée épaisse, allaient avec des sifflements perçants des wagons chargés de tourbes brunes, de plaques et de briques. Je pouvais supposer sans risque d'erreur que, le soir, un haut-parleur s'époumonerait au-dessus de la porte du club et que des ivrognes erreraient par les rues et que cela se terminerait par des coups de couteau. Voilà donc où m'avait entraîné mon rêve d'un petit coin tranquille en Russie. J'arrivais à une petite rivière presque à sec, avec un barrage et un petit pont. Je n'avais pas vu de lieu plus charmant dans tout le village. 2 ou 3 saules, une petite isba toute de guingois, des canards qui nageaient sur l'étang et des oies qui secouaient leurs plumes mouillées en se hissant sur la rive. La maison de Matryona était dans le même coin, toute proche, 4 petites fenêtres alignées donnant sur le côté frais de derrière, une toiture de copeaux à 2 pentes, avec une lucarne de grenier aménagée. Une fois l'entrée franchie, un escalier intérieur menait à une réserve que la toiture surplombait à grande hauteur. À gauche, d'autres marches menaient sur le toit, à la deuxième chambre, la belle chambre comme on disait. Un bâti sans cheminée, indépendant. D'autres marches descendaient à la soupente. À droite, c'était l'isba proprement dite, avec le grenier et le sous-sol. On avait construit tout cela il y a longtemps, et solidement, pour une grande famille, mais maintenant il n'y avait pour tout habitant qu'une femme qui allait sur ses 60 ans. Lorsque j'entrai, je la vis allongée sur le poêle, près de la porte, couverte de ces loques sombres à la nature mal définie, et qui n'ont pas leur pareil dans la vie des travailleurs. Le visage arrondi de la propriétaire me sembla jaune, malsain. À ses yeux troubles, on pouvait voir aussi que la maladie l'avait rudement secouée. Elle ne manifestait guère de joie à l'idée de décrocher un locataire, et se plaignait du mal pernicieux dont la dernière crise s'achevait seulement. Le mal ne lui tombait pas dessus chaque mois, mais une fois venu, ça me tient des 2 et des 3 jours, si bien que je ne saurais ni me lever ni vous servir. » Et elle se mit à énumérer d'autres maisons où je serais plus tranquille et mieux installée, et voulut m'envoyer en faire le tour. Mais je voyais bien que c'était mon sort de prendre logis dans cette isba un peu sombre, avec son miroir trouble, où on ne se voyait pas du tout, et ses 2 affiches à 1 rouble, aux couleurs criardes sur la vente des livres et la moisson, qui avait été fixée au mur pour faire beau. À part Matryona et moi, il y avait encore dans l'isba un chat, des souris et des cafards. Et s'il y avait des souris dans la maison, ce n'est pas parce que le chat bancal était incapable d'en venir à bout. Il bondissait comme l'éclair dans un coin pour les attraper et les emportait entre ses dents. Parfois, le chat mangeait aussi des cafards, mais ça le rendait malade. Dans la cuisine, la nuit, ça grouillait, et si j'y entrais tard le soir pour boire de l'eau, et si j'allumais l'électricité, tout le plancher et le banc, et même le mur, étaient bruns et remuaient de partout. La nuit, tandis que Matryona dormait et que je travaillais à ma table, les froufrous rapides des souris derrière le papier peint étaient couverts par le remue-ménage des cafards derrière la cloison, fondus, ininterrompus, comme le murmure lointain de l'océan. Mais je m'y étais fait. Il n'y avait rien en lui de méchant, il n'y avait pas en lui de mensonge. Leur bruissement était leur vie. Matryona se levait à 4-5 heures du matin. Elle allumait l'électricité derrière la cloison de la cuisine et silencieusement, poliment, en tâchant de ne pas faire de bruit, elle faisait repartir le poêle puis allait traire sa chèvre. Je ne l'entendais pas le matin. Je dormais longtemps, m'éveillais aux jours tardifs d'hiver et m'étirais en sortant la tête sous ma couverture et ma houppelande. Avec, en plus, ma veste molletonnée des camps sur les pieds et sous moi un sac bourré de paille, il me gardait la chaleur, même les nuits où la froidure s'abattait du nord sur nos fenêtres branlantes. Lorsque j'entendais derrière la cloison son bruit discret, je disais chaque fois en détachant les syllabes « Bonjour, Matryona Vassilievna ». Et en réponse, c'était toujours les mêmes paroles bienveillantes qui se faisaient entendre de derrière la cloison. Elle commençait par une sorte de ronron grave et tendre comme dans les contes de grand-mère. Puis, une pause et « « Votre déjeuner, il est tout chaud !» Je mangeais avec soumission tout ce qu'on me présentait, et s'il me tombait sous la dent quelques corps étrangers, cheveux, morceaux de tourbe, pattes de cafard, je le mettais de côté sans m'impatienter. Je m'en accommodais parce que la vie m'avait appris à voir le sens de l'existence quotidienne dans autre chose que dans la qualité de la nourriture. J'attachais plus de prix au sourire sur le visage arrondi de Matryona. Et lorsque j'eus enfin gagné de quoi me payer un appareil photo, je m'efforçais, en vain, de le fixer. Lorsqu'elle voyait l'œil froid de l'objectif braqué sur elle, Matryona prenait une expression ou tendue, ou sévère et hautaine. Une seule fois, je parvins à la prendre souriant à ses pensées, tandis qu'elle regardait dans la rue par la fenêtre. Cet automne-là, Matryona eut des ennuis. Les voisines se mirent en tête de réclamer pour elle une pension de retraite. Elle était malade, mais elle n'était pas considérée comme invalide. Elle avait travaillé un quart de siècle au kolkhoz, mais comme ça n'était pas l'usine, elle n'avait pas le droit de demander une retraite pour elle-même, mais seulement pour son mari. Mais voilà 12 ans qu'elle l'avait perdu son mari, au début de la guerre, et c'était toute une affaire d'obtenir des certificats. On me persécute, et j'ai bien du souci. Mais son front ne restait pas longtemps assombri. Je l'avais remarqué, elle avait un moyen sûr de retrouver sa belle humeur, le travail. Elle empoignait sa pelle et allait biner la pomme de terre. ou bien, avec une corbeille d'écorce, elle partait cueillir des baies au fond des bois. Ne plus faire la courbette dans les bureaux de l'administration, mais devant les buissons de la forêt. Le dos brisé par son panier, Matryona s'en revenait à la maison rassérénée, contente de toute chose, ayant retrouvé son bon sourire. Et quand on manquait de bras, quand les paysannes refusaient obstinément d'effectuer leurs tâches, la femme du président allait trouver Matryona. C'était une femme de la ville, décidée, à l'allure presque militaire, avec son manteau court de drap gris et son regard autoritaire. Elle entrait dans l'isba sans bonjour ni bonsoir, toisait sévèrement Matryona et lui disait, en détachant chaque syllabe, « Bon, camarade, il va falloir aider le kolkhoz, il va falloir épandre le fumier demain. » Et au matin, elle partait avec sa fourche. Mais ce n'était pas seulement le kolkhoz, n'importe quel parent éloigné, ou même une voisine, venait trouver Matryona. « Viens m'aider demain, Matryona, on va finir les pommes de terre, et n'oublie pas ta fourche !» Pas un seul jardin ne se faisait sans Matryona. Malgré tout, au début de cet hiver-là, la vie de Matryona s'était arrangée comme jamais. On finit par lui verser sa pension, et elle recevait encore 100 roubles de l'école et de moi. On commençait déjà à la jalouser dans le voisinage. « Et dites donc, maintenant Matryona n'a pas intérêt à mourir. Elle ne sait plus où fourrer son argent, cette vieille. » Matryona se commanda de nouvelles bottes de feutre. Elle s'acheta un nouveau gilet. Et elle se fit faire un manteau d'une vieille capote de cheminot que lui avait donné un mécanicien. Elle était toute joyeuse. Moi aussi, j'aurais eu un petit temps de vie tranquille, grâce à Dieu. Matryona s'était habituée à moi et moi à elle. Et nous vivions en bonne intelligence. Elle ne m'importunait pas de questions. La curiosité féminine lui était à ce point étrangère, où elle était si délicate qu'elle ne me demanda pas une fois si j'avais été marié, alors que toutes les femmes du village la harcelaient pour qu'elle me tire les vers du nez. Et lorsque, bien plus tard, je lui racontai que j'avais été longtemps en prison, elle ne fit que opiner de la tête en silence, comme si elle s'en doutait depuis longtemps. Et moi aussi je voyais la Matryona d'à présent, une pauvre vieille seule au monde, et ne touchait pas non plus à la plaie de son passé. Et d'ailleurs, je ne soupçonnais même pas qu'il pût y avoir quelque chose à y chercher. Un soir, en revenant de l'école, je trouvai quelqu'un à la maison. C'était un grand vieillard brun. Il tourna lentement sa tête imposante vers moi et m'appela de façon inattendue. « Petit père, mon fils est votre élève, Grigoriev Anton. » Il aurait pu ne pas continuer. Malgré tout mon désir d'aider ce digne vieillard, je savais et je repoussais à l'avance toutes les choses inutiles qu'allait me dire maintenant le vieil homme. Grigoriev Anton était un gamin aux grosses joues rouges de la classe de 8e D, qui avait la mine d'un chat qui s'est gavé de crêpes. Il restait assis sur son banc, il souriait paresseusement. Il se moquait tout simplement de nous. Il était en 8e année et pourtant, il ne connaissait pas les fractions et ne distinguait pas entre eux les triangles. Et comment dire, maintenant, à ce vieillard à demi aveugle, que d'année en année, l'école l'avait trompé, et que je ne pouvais continuer à le faire, sans quoi je ficherais en l'air toute ma classe et compromettrais tout le travail que j'avais fait et ma dignité de professeur. Il m'assura « Je le bats déjà tous les jours. Comment faire pour le tenir davantage ?» Au cours de la conversation, Matryona était intervenue plusieurs fois en faveur du gamin. Et bien après que le vieillard Fadei Mirionovitch m'eût quitté en promettant de revenir pour voir où les choses en seraient, Matryona dit soudain de son coin sombre « Autrefois, j'ai bien failli l'épouser, Fadei. » Je me rejetai sur le dossier de ma chaise et pour la première fois je vis Matryona d'une toute autre manière. « C'est lui d'abord qui m'avait fait la cour. Lui, c'était l'aîné. » J'avais 19 ans et Fadei 23. C'est dans cette maison qu'ils habitaient alors. C'était leur maison. Puis on a pris Fadei à la guerre. Elle laissa tomber ces mots et surgit devant moi le juillet bleu ciel, blanc et jaune de l'année 14. Un ciel encore pacifique, des nuages qui y flottent et les gens grouillant dans les blés mûrs. Je les imaginais côte à côte, un grand gaillard tout noir, la faux sur l'épaule, et elle, rouge, tenant à brasser une gerbe, et une chanson sous le ciel comme maintenant ne saurait plus en chanter. Il est allé à la guerre et il a disparu. 3 ans je suis resté dans ma coquille. J'attendais. Et pas un mot. Pas même son corps. Noué d'un vieux foulard passé de vieille femme, le visage rond de Matryona m'apparaissait dans la douce lumière indirecte de la lampe comme débarrassé de rides, de son enveloppe quotidienne négligée, un visage apeuré de jeune fille placé devant un choix terrible. Oui, oui, je comprenais. Les feuilles s'envolaient, tombait la neige et puis fondait. De nouveau les labours, de nouveau l'on semait, de nouveau la moisson, et encore une fois s'envolaient les feuilles et tombait la neige. Et ce fut une révolution, et une autre révolution, et le monde entier fut retourné. Leur mère mourut, et Éphime, le jeune frère de Fadeille, me fit la cour. Façon de dire, tu voulais venir dans notre maison, eh bien viens quand même. Éphime était plus jeune que moi, d'1 an. Il manquait de bras dans la famille, alors j'ai accepté. Nous nous mariâmes à la Saint-Pierre et à la Saint-Nicolas d'hiver, s'en revint Fadeille, des camps de Hongrie. Matryona ferma les yeux, je me taisais. Elle se tourna vers la porte comme si celle-ci était vivante. Il s'est arrêté sur le seuil, j'ai crié, je me suis jeté à ses pieds. « C'est bon, dit-il. Si ce n'était pas mon propre frère, je vous aurais abattu tous les deux. » Je tressaillis. Le pauvre, il y avait tant de filles à marier au village. Mais il ne s'est pas marié tout de suite. Il a dit, je vais en chercher une avec ton petit nom, une autre Matryona. Il a bien fini par en ramener une de Matryona, d'un autre village. Et ils se sont construits une maison à part et c'est là qu'ils vivent encore. Tu passes tous les jours devant pour aller à l'école. Mais ce qu'il en ressortait, c'était que ma Matryona n'avait rien à regretter. Fadeille avait battu sa femme toute sa vie et la battait encore. Fadeille, lui non plus, n'avait rien à regretter. L'autre Matryona, sa Matryona, avait accouché de 6 enfants et ils avaient tous vécu. Tandis que Matryona et Éphime ne pouvaient garder leurs enfants. Avant même d'atteindre 3 mois et sans être malades, ils mouraient tous. Une de mes filles, Elena, venait tout juste de naître. On l'a lavée, elle était vivante et elle est morte aussitôt. Il n'y a même pas eu besoin de lui faire la toilette des morts. Et les années coulaient comme l'eau sous les ponts. En 41, on ne prit pas Fadeille à la guerre à cause de sa mauvaise vue, mais on prit Éphime. Et comme son aîné, au cours de la première guerre, le cadet fut porté disparu au cours de la deuxième. Mais lui, il n'en revint pas. La maison, autrefois bruyante, pourrissait, vieillissait, et dedans, Matryona l'esselée se faisait vieille. Et elle avait demandé à l'autre Matryona, la chienne battue, un petit morceau de sa chair, une goutte du sang de Fadeille, sa benjamine, Kira. 10 ans, elle l'avait élevée ici comme si c'était sa propre fille, à la place de ceux qui n'avaient pas vécu. Et peu de temps avant mon arrivée, elle l'avait mariée à un mécanicien de Tchéroustie. Souffrant de ses douleurs, sentant sa mort venir, Matryona avait dès ce moment dit sa volonté dernière. Le corps séparé de la maison, la belle chambre comme on l'appelait, irait à Kira après sa mort. Ainsi, ce soir-là, Matryona s'ouvrit tout entière à moi. Et comme cela arrive souvent, le lien et le sens de sa vie à peine s'étaient-ils fait visibles pour moi qu'ils entraient en mouvement. Kira arriva de Tchéroustie, et le vieux Fadeille s'agita. Pour se faire attribuer et conserver un bout de terrain à Tchéroustie, il fallait que les jeunes mariés y aient un bâtiment quelconque. La belle chambre de Matryona convenait parfaitement. Matryona n'endormit pas 2 nuits. Il ne lui était pas facile de se décider. Elle ne déplorait pas la perte de la chambre, comme en général elle ne regrettait jamais ni sa peine ni son bien. Et la chambre était de toute façon destinée à Kira. Mais ce qui l'angoissait, c'était de commencer à démolir le toit sous lequel elle avait vécu 40 ans. Et Fadeille s'en vint avec ses fils et ses gendres par un matin de février, et 5 haches cognèrent à la fois. Les planches qu'on arrachait se mirent à crier, à grincer. Puis ils vinrent chercher la chambre désarticulée, os par os, pour l'emmener en tracteur suivi de 2 traîneaux. Matryona voulut les accompagner. Le soir, Matryona ne revint pas. Passa une heure, une autre, une troisième. Je m'endormis, puis m'éveillai. Il était minuit passé et Matryona n'était toujours pas revenue. Tout à coup, le portillon grinça. Je sortis en vitesse. « Matryona, c'est vous ?» La porte de la maison s'ouvrit. C'était son amie Masha qui, chancelante, se tordait les mains. Je la fis asseoir et elle me raconta, entremêlant son récit de larmes. « Au passage à niveau, il y a une montée, ça grimpe dur et pas de barrière. Le câble a bloqué et le deuxième traîneau est resté coincé. Il a fallu que Matryona vienne se fourrer là. Qu'est-ce qu'elle pouvait être utile aux hommes ? Pourquoi a-t-il fallu qu'elle aille à ce maudit passage à niveau ? Le train est arrivé, le mécanicien ne voyait rien avec la poussière. Il a fondu dessus et il a écrabouillé les trois qui étaient entre le tracteur et le traîneau. » À l'aube, les femmes ramenèrent du passage à niveau sur une luge recouverte d'une toile de sac sale tout ce qu'il restait de Matryona. On rejeta la toile pour lui faire sa dernière toilette. C'était une bouillie. Plus de jambes ni de bras gauche. Une des femmes dit « Le Seigneur lui a laissé sa main droite, elle pourra prier le bon Dieu là-haut. » Dans le cercueil, il y avait Matryona. Son corps absent, mutilé, était couvert d'un drap propre et sa tête nouée d'un foulard blanc. Son visage était intact, paisible, plus vif que mort. Et c'est alors seulement que surgit à mes yeux l'image de Matryona, que je n'avais pas comprise même en vivant à ses côtés. Il y avait un cochon dans chaque maison du village, mais elle n'en avait pas. Quoi de plus simple que d'élever un porcelet à vide qui ne reconnaît au monde que la nourriture ? Lui préparer sa pâtée trois fois par jour, vivre pour lui et ensuite le tuer et avoir du lard. Mais elle n'en avait pas. Elle se moquait bien de monter sa maison. Elle ne s'éreintait pas pour s'acheter des choses et ensuite les garder plus précieusement que sa propre vie. Elle ne courait pas après les atours, après les vêtements qui ornent les laids et les malfaisants. Incomprise, abandonnée, même par son mari, ayant enterré 6 enfants mais non son naturel sociable, étrangère pour ses sœurs, ses belles-sœurs, ridicule, travaillant stupidement, gratis pour les autres, elle n'avait rien accumulé pour le jour de sa mort. Une chèvre blanc sale, un chat bancal, des ficus. Et nous tous qui vivions à ses côtés n'avions pas compris quel était ce juste dont parle le proverbe et sans lequel il n'est de village qui tienne. Ni ville, ni terre entière. C'était Pages arrachées à Alexandre Solzhenitsyn, avec Aurélien Recoing et Marina Moncade. Deuxième partie, extrait choisi dans La maison de Matryona. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Équipe de réalisation, Benjamin Vignal, Maïwenn Lejehan, Claire Chéneau, Jean-Mathieu Zande. La maison de Matryona est parue aux éditions Julliard, traduit par Léon et André Robel.